Théophile Gautier, le poème de la femme. Marbre de Paros. Un jour au doux rêveur qui l'aime, en train de montrer ses trésors, elle voulut lire un poème, le poème de son. Carin,